La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième jour de notre série consacrée à Franz Kafka dans la compagnie des auteurs à l'occasion de la sortie en Pléiade d'une nouvelle traduction de ses œuvres complètes. Il est mort à 41 ans seulement, avec le sentiment d'être déjà un homme âgé, rompu par la maladie, mais également par la difficulté d'être et d'écrire, lui qui a bataillé toute sa vie avec les tourments du langage. Kafka, qui avait le dessin comme première ambition, a vécu une vie que Florence Banco, notre invitée d'hier, a qualifiée de « work in progress », comme vous pouvez l'entendre toujours en réécoute. Jeudi, c'est un sociologue qui viendra nous parler de Kafka, Bernard Lahire. Il a cherché à montrer comment l'œuvre de l'écrivain pragois pouvait en partie s'expliquer par sa vie. Enfin, demain, nous reviendrons sur ces deux livres, les plus célèbres, Le procès et Le château, et ce sera avec Jean-Pierre Morel. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes donc avec vous, Jean-Pierre Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé cette nouvelle édition des œuvres complètes de l'écrivain qui paraît aujourd'hui aux éditions Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade, nouvelle édition dont l'ensemble est retraduit à la fois par vous, mais aussi par Isabelle Kalinowski, Bernard Lortolari et Stéphane Penel. Évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi cette retraduction, pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant, je ne sais pas exactement. Disons, un certain temps s'est écoulé depuis la première édition de la version Pléiade des œuvres de Kafka. Un temps même assez long, en réalité. Un temps assez long, voilà. Et qui a permis que se déploie, enfin, tout un arsenal à la fois de critiques et de commentaires qui, de toute façon, appelaient à l'horizon une nouvelle traduction ou une nouvelle disposition du livre, enfin des changements, une nouvelle facture de la présentation de cette œuvre. Et donc, en l'espèce, la question des droits d'auteur ne se posait pas, donc il n'y avait pas de nécessité commerciale à retraduire, comme ça avait été le cas, par exemple, pour Stefan Zweig ou pour d'autres. Il n'y avait pas de changement du propriétaire des droits qui était intervenu. Et donc, l'une des raisons, si on peut appeler ça une raison, elle est subjective, disons, en tout cas, c'est pourquoi est-ce que j'ai accepté la proposition. C'est que ce qui m'intéressait le plus, c'était justement l'hypothèse de traduire une nouvelle fois ce livre qui pourtant avait été traduit par toute une série de traducteurs. Dont Vialat, qui avait commencé justement à faire connaître Kafka en France. Voilà, dont Vialat, qui était un bon écrivain, qui d'une certaine manière était aussi un bon traducteur, qui a fait son premier travail dans les circonstances et avec les critères de l'époque, avant-guerre donc, dès les années 20. Et ensuite, toute une série d'autres traducteurs et traductrices, je pense notamment à Marthe Robert, mais à Bernard Lortolari, à Georges-Arthur Goldschmidt, etc., et bien d'autres, dont certains avaient gardé pour eux leur traduction aussi longtemps que les droits étaient protégés. Donc, voilà, j'ai considéré ce texte comme une partition qu'on me proposait d'interpréter, compte tenu du fait que... non seulement j'étais germaniste, mais dans l'exercice de ce métier, j'avais eu plusieurs fois à regarder les œuvres dans une perspective purement pédagogique. Et donc, il y avait des raisons à la fois objectives et subjectives. Alors comment diriez-vous que vous l'avez précisément réinterprété ? Est-ce qu'il y a des grands axes qui se dégagent et qui permettent aussi de comprendre comment on lit aujourd'hui Kafka ? Eh oui, j'ai construit une espèce d'idiome propre pour traduire ce texte en me tenant à certains choix récurrents du style j'ai toujours mis de nouveau et pas à nouveau pour essayer de faire un écho comme ça, dans la répétition, à ce qu'était le rapport de Kafka à l'allemand, à la langue allemande, qui, à certains égards, était une langue dont il visait la correction, comme quelque chose qui menaçait de ne pas être atteint pour lui, étant donné la situation linguistique dans laquelle il a grandi et travaillé. Et par ailleurs, je me suis attaché aussi à ne rien éliminer, et donc à réinstaller dans la traduction, ce qui n'est pas toujours simple, compte tenu des différences entre le français et l'allemand, enfin entre les langues germaniques et les langues romanes, pour énoncer un certain nombre de choses, et en particulier pour manifester la présence dans un très grand nombre d'énoncés de Kafka d'une dimension subjective, c'est-à-dire d'un point de vue, d'une espèce de proto-jugement sur ce qu'il est en train de dire. Ce qui donne au niveau un peu oral des choses comme « quand même, malgré tout, peut-être, pourtant, etc. » Toutes choses que, et je les comprends, bien des traducteurs laissent tomber ou délèguent au contexte. Là, je les ai marqués, voilà. Alors, vous présentez également longuement ces textes et puis la vie aussi et l'œuvre de Kafka dans votre introduction. Et vous y rappelez évidemment que cette œuvre, qui est une œuvre colossale, a bien failli disparaître. Il faut rappeler que cette œuvre à détruire, qu'il a demandé à son ami Max Brod de détruire, ce que ce dernier n'a pas fait, ça n'était pas vraiment encore une œuvre. C'était, dites-vous, une montagne de papier. Oui, c'est-à-dire que les choses qu'on peut appeler œuvres conventionnellement étaient en petit nombre dans ce qui restait après sa mort. C'était un certain nombre de textes, le plus long n'atteignait pas 100 pages, qui étaient parus dans des revues ou quelquefois dans des fascicules, mais enfin, tout ça ne faisait pas un gros tas. En revanche, il existait, et une bonne partie d'ailleurs de ce qui restait a disparu. Il existait un reste qui était le fond posthume de documents qu'il avait écrits et laissé tomber, parfois avec l'idée d'y revenir un jour, parfois en se disant que ça n'était pas mûr, qu'il faudrait faire autre chose de cette idée-là. Mais il restait suffisamment de choses pour justifier, et dès lors que Kafka était un praticien tout à fait exceptionnel de l'écriture, pour justifier qu'on en fasse quelque chose qui ressemble à une œuvre, c'est-à-dire qu'il soit publié dans des livres, y compris dans des livres d'allure précieuse comme ceux de la Pléiade. Oui. Alors, il a brûlé lui-même un certain nombre de choses, on n'a pas pu tout sauver, Max Brod n'a pas pu tout sauver. On n'a aucune idée de ce dont il s'agissait. Bah, j'ai toujours essayé de me mettre à sa place. En même temps, il y a toujours eu entre lui et moi une différence d'âge, puisque je l'ai aussi regardé comme un de mes enfants, ou comme un cousin lointain, ou etc., sans jamais lui attribuer une figure paternelle. En me mettant à sa place, je me suis demandé ce que dans sa position j'aurais brûlé, j'aurais supprimé, dont j'aurais voulu que ça ne soit pas lu. C'est-à-dire ce que j'estimais raté. Je pense que c'est un critère pour lui. Qu'est-ce qui est réussi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est terminé? Et donc, il a dû vraisemblablement brûler, quand il a brûlé des choses, soit quand on ne le sait pas, soit quand on le sait à Berlin avec Dora Diemant à la fin de sa vie. Il a dû brûler des choses dont il pensait que vraiment... de toute façon, il n'y aurait rien à en tirer, à moins qu'il ait brûlé des choses extrêmement personnelles qu'il n'ait pas voulu publier. Mais je crois que c'est plutôt en cette direction qu'il faut imaginer, ce qui est très difficile, ce qu'il a pu détruire. En tout cas, il est avéré qu'il a détruit lui-même pas mal de choses. Mais il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas donc été détruites par Max Brod et qui, selon vous, étaient... pas fini, ne méritait pas, quoi qu'il arrive, d'être publié, ou est-ce que, quand même, globalement, tout vous semble de bonne qualité, voire de très bonne qualité? Non, je pense que c'est un écrivain, c'est un auteur, et c'est une personne qui s'est efforcée toute sa vie d'écrire, et d'une manière telle que le moindre effort qu'il ait fait vaut la peine d'être exhibé, d'être montré, et du reste, En les examinant, on se dit que c'est un principe qui tient. On n'a rien trouvé qui soit vraiment nul, sans intérêt. Alors du coup, on peut remercier Max Brod quand même. Je vous propose d'écouter ce que Milan Kundera dit au sujet de ce sauveur des œuvres de Kafka. Les livres de Kafka édités après sa mort par Max Brod n'avaient pas un grand succès. Max Brod s'est rendu donc compte qu'il ne faut pas seulement éditer Kafka, mais aussi le lancer, l'expliquer, expliquer sa grandeur et son importance. Il voulait donc faire une nouvelle édition complète de toute l'œuvre de Kafka, et pour persuader un éditeur de le faire, il a écrit quelque chose comme un manifeste. Il a écrit un texte, et il voulait que ce texte où il a expliqué l'importance séculaire de Kafka signe quelques grands écrivains allemands contemporains. Mais ce n'était pas facile du tout à l'époque. Il y avait des écrivains allemands qui ont refusé de signer ce texte, comme par exemple Gerhard Hauptmann ou Heinrich Mann. Tout s'est passé au commencement des années 30. C'est-à-dire, vous voyez que l'importance de Kafka n'était pas encore acceptée. Mais à la fin, Max Brod a réussi ce lancement de son ami. Il a édité toute son œuvre, il a accompagné chaque livre de sa préface, où il a expliqué et interprété Kafka. Et voilà, je trouve un paradoxe qui me fascine. À mon avis, Max Brod a à la fois sauvé l'œuvre de Kafka et à la fois déformé l'œuvre de Kafka. Max Brod n'a jamais compris la modernité artistique, esthétique de Kafka. Il fait tout pour ne pas mettre Kafka dans le contexte de l'art moderne. La compagnie des auteurs sur France Culture. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Milan Kundera, Jean-Pierre Lefebvre? Parce que j'ai l'impression que vous avez envie de lui répondre quelque chose. Oui, oui. Max Kundera est un écrivain que je respecte énormément, que j'admire. Et je comprends aussi tout ce qu'il a dit sur Kafka, sur Max Brod, etc. Y compris depuis le pays où il l'entend résonner cette œuvre. Je suis pas tout à fait d'accord, en revanche, pour dire que Max Brod n'a pas compris, sauf si l'on ajoute quelques adverbes. Max Brod n'a pas compris peut-être explicitement la relation qu'il y avait entre la modernité, l'écriture de Kafka et tout l'arrière-plan culturel, pictural, musical, théâtral, cinématographique, etc., dans lequel cette modernité s'exprimait. Ce que Max Brod a tout à fait bien compris, peut-être même difficilement, durement, avec souffrance, c'est la différence qu'il y avait entre ce que faisait Kafka et ce qu'il faisait lui-même en littérature. Mais c'est aussi la différence entre deux personnalités que dans un sens tout oppose, même s'ils sont très amis. Voilà, mais je pense qu'il y a une richesse à cette dialectique un peu spéciale, c'est-à-dire que ce manque est devenu un facteur affectif et comment dire productif. Il s'est convaincu. C'est pour ça que j'ai insisté dans la préface sur cette notion, ce qui ne signifie pas qu'il aurait pu expliquer pourquoi. Il s'est convaincu qu'il y avait là quelque chose, y compris dans la différence d'avec lui-même et dans la différence d'avec les productions modernes, qui quelquefois étaient tout à fait fascinantes. Et comment vous la définiriez, cette différence, précisément, avec les contemporains de Kafka ? Ben, j'ai autant de mal que lui à le faire, autant de mal que Max Brod. Disons qu'il nous fait partager justement cette conviction sous la forme d'une conviction, c'est-à-dire avec les limites du point de vue du savoir de ce qu'est une conviction. On a évidemment davantage de recul aujourd'hui. Je pense que peut-être a-t-il anticipé, il était extrêmement au fait de ce qui se faisait de son temps, et donc avec une espèce d'instinct d'homme de lettres, il a peut-être aussi anticipé les limites à venir, mais qui viendraient de toutes ces formes modernes, notamment en littérature, et ce qu'il avait sous les yeux en l'espèce des œuvres de Kafka, c'était quelque chose qui était déjà installé à la limite dans une autre temporalité, dans un autre rapport à l'invention littéraire, à l'écriture. Donc voilà, c'est difficile à argumenter. Mais ce qu'on lui doit, c'est ce réflexe, cet instinct, ce sont des catégories dont il faut toujours se méfier. Mais ou pas, quand on est un artiste, il faut peut-être se fier justement à son instinct. Oui, voilà, je crois que c'est lié, bien sûr, chez lui à... Malgré tout, c'était un écrivain, c'était un musicologue également. À succès. Et c'est quelqu'un qui souhaitait publier et publier beaucoup, ce qui est donc exactement le contraire de Kafka, qui, lui, souhaitait ne pas publier. Ou est-ce qu'il faut présenter les choses comme ça, Jean-Pierre Lefèvre? Est-ce qu'il souhaitait ne pas publier? Non. Je pense qu'il préférerait ne pas publier. Non, je pense que Kafka était animé du désir de publier, de vendre et de vivre de la littérature, comme beaucoup d'écrivains autour de lui. Il faut bien voir que, en tout cas dans les terres allemandes, la possibilité de vivre du métier d'écrivain est quelque chose d'assez récent. Le premier qui vit de ça en Allemagne, c'est Heine, qui négocie avec ses éditeurs, qui fait des calculs, enfin bon. Et donc, c'est quelque chose d'assez récent historiquement, et Kafka est tout à fait inscrit dans ce modèle, et jusqu'à la fin de la vie, cette perspective-là, qui n'est peut-être pas essentielle, mais qui est importante, est resté visible dans ce qu'il faisait. Les derniers mois de sa vie sont consacrés à négocier pour gagner suffisamment pour payer les soins hospitaliers extrêmement coûteux que causait sa maladie. Il fallait placer les textes. Joséphine, la chanteuse, le virtuose de la fin, etc. sont des textes destinés aussi à réussir sur le marché des lecteurs. Et je crois même que le matin de sa mort, il corrigeait encore des épreuves justement du virtuose de la fin. Ça signifie qu'en effet, il pensait à l'après, parce qu'il devait savoir quand même qu'il allait mourir, il devait le sentir un petit peu. Et pourtant, pendant toute sa vie, on a l'impression qu'il a refusé la publication, à part la métamorphose et puis quelques textes. Mais enfin, quand même, il y a un rapport étrange dans le fait de détruire, de vouloir faire détruire beaucoup de choses, et quand même de publier uniquement des choses très parcellaires, Jean-Pierre Lefèvre. Comment vous expliquez tout ça? Mais je pense que, de même que Stefan Zweig avait plus ou moins raté sa tentative de devenir un auteur de grands romans, hein, il n'en a écrit qu'un, il a eu du mal, et les autres, il les a laissés tomber. Kafka s'est engagé pratiquement en même temps qu'il écrivait La Métamorphose. Les choses sont toujours allées de pair, c'est-à-dire que ces textes qui sont parus, il les a écrits pour se détendre d'une certaine manière, pour faire autre chose dans le cadre d'un projet très très vaste. Ah, donc il considérait ça comme étant des œuvres un petit peu secondaires, et parce qu'il les considérait comme secondaires, finalement il pouvait les publier. Oui, il fallait qu'il se persuade lui-même qu'il était capable de terminer quelque chose. Et son problème dans le cas des trois romans a toujours été de les terminer. Et à tel point que le deuxième roman, Le Procès, il l'a terminé tout de suite. C'est-à-dire qu'enfin, il a écrit une fin, un dernier chapitre, mais ce qu'il n'a pas terminé, c'est l'agencement de tous les chapitres qu'il avait écrits. Donc malgré tout, il considérait que ce roman n'était pas encore publiable, il était encore en chantier. Et quand on observe le temps qu'il a consacré à ses romans, les tentatives de reprise qu'il a faites, et l'incidence dans sa biographie d'écrivain à des moments clés de ses projets romanesques, pour terminer par Le Château, hein, 1922, on se dit que ce projet l'a continuellement habité, et a certainement consommé des forces, du temps, de l'impulsion qui ont pu lui faire défaut pour d'autres choses. Et puis il y a quand même une recherche de l'absolu, une forme de perfectionnisme. Enfin, il vaut mieux dire recherche de l'absolu, d'autant que depuis le 19e siècle, les écrivains sont un peu dans cette démarche. Depuis Flaubert, on pense à Proust, il y a quelque chose de moderne dans ce rapport avec l'œuvre parfaite. Oui, il est assez proche de Flaubert et de Proust, hein, même s'il se réfère exclusivement, bien sûr, à Flaubert, mais il y a effectivement chez lui un modèle, appelons ça un modèle d'œuvre littéraire qui est largement influencé par les classiques, mais pas n'importe quel classique, Goethe et Kleist en particulier. Ce qui signifie quelque chose pour définir ce qu'on peut appeler son désir d'absolu. Et ce désir d'absolu fait système avec son désir de pureté dans la langue. Et son désir de pureté dans la langue est quelque chose qui est déterminé par les conditions linguistiques dans lesquelles il écrit, dans un pays où l'on parle essentiellement tchèque, où l'on parle un peu yiddish, et où l'allemand est de plus en plus clairement la langue de la communauté juive, mais de Prague, surveillée en quelque sorte par les puristes du reste de l'espace germanique. Il y a aussi cette crainte d'être critiqué pour certaines formes de son discours. Alors sur la langue justement, je vous propose d'écouter ce que disait Marthe Robert à Marie-Christine Navarro en 1987 sur l'aspect classique peut-être, ou apparemment classique, de la langue de Kafka. Il utilise la forme de la fable, comme il utilise dans quantité de récits la chronique, l'épopée, la légende, le mythe. Il utilise à peu près toutes les formes classiques que l'on peut trouver dans l'histoire de la littérature. Kafka les a utilisées. Et c'est ce qui donne à ces récits leur ton, justement, à la fois fantastique, parce que le contenu n'a rien de classique, bien entendu, mais la forme l'est. Et c'est ce qui fait son originalité parmi tous les écrivains de son époque, qui étaient tous plus ou moins sous la coupe de l'expressionnisme, n'est-ce pas ? Alors que Kafka s'en est très tôt détaché pour prendre justement cette manière, c'est ce que j'appellerais la suprême ironie de l'auteur contemporain, qui pour dire le jamais dit, le jamais vu, le jamais su, si vous voulez, emploie les formes les plus banales qui soient. En tout cas comme cadre formel. C'est à mon avis ce qui fait sa modernité. La compagnie des auteurs sur France Culture, que retenez-vous de ce que vient de dire en archive Marthe Robert, Jean-Pierre Lefebvre ? Ben j'opine. Les auditeurs ne le voient pas. Ne le voient pas, mais comme bien souvent, Marthe Robert m'a vraiment fait montre en permanence d'une vigilance et d'une puissance de compréhension du personnage Kafka, mais aussi bien sûr de son œuvre, de son projet. Dans ce qu'elle dit, que vous avez diffusé, il est question principalement des formes, des genres, hein, la prose, de l'épopée, de la fable, la légende, le mythe. Voilà. Mais je crois qu'on peut élargir ça à la... Enfin, elle le dit d'ailleurs, sans entrer dans les détails, on peut élargir cela à la langue elle-même, c'est-à-dire à la langue qui est employée, qui effectivement frappe, et tous les germanophones aujourd'hui, tous ceux qui lisent l'allemand sont frappés par cette espèce de clarté, de transparence du discours que certains interprètes ont essayé de rapporter à la langue officielle de la bureaucratie austro-hongroise, ou même à la langue de son métier, quand il doit faire des rapports ou écrire des lettres. Bon, ça vous paraît juste, ça, comme analyse ? Pardon ? Ça vous paraît juste ? Non. Ça me paraît sur le chemin de la vérité, mais disons, ça en reste à cette apparence de... de transparence et de clarté qui justement s'applique à des univers complètement insolites et que parfois tout à fait obscurs. Mais je crois qu'il faut ajouter à cela, et c'est précisément ce que j'ai tenté de réhabiliter dans l'idiome que je me suis fabriqué pour traduire comme horizon, bien sûr, c'est une légère touche d'oralité dans la parole de Kafka. C'est pour ça que j'ai insisté dans la préface ou dans l'introduction, je ne sais plus, sur la genèse de ce talent considérable qu'il avait pour raconter, improviser des histoires. Parce que l'étude de ces manuscrits montre à quelle vitesse ça va. Mm. C'est presque comme si on écoutait des enregistrements. Et il improvise des récits et quelquefois il y a beaucoup de d'éléments de l'oralité dans son discours malgré les apparences de textes très écrits. Il y a quelque chose qui respire le souffle de l'histoire improvisée. Pour ça que j'ai insisté sur l'hypothèse du jeune garçon qui raconte des histoires à ses sœurs pour les endormir ou pour les amuser et qui les développe jusqu'à ce qu'elles dorment ou s'en aillent. Il est certain que mon état physique constitue l'un des principaux obstacles à mon progrès. Avec un corps pareil, on ne peut obtenir aucun résultat. Il va falloir que je m'habitue à ces défaillances continuelles. C'est à ces dernières nuits, gaspillées en rêves fous qui m'ont à peine permis quelques instants de sommeil, que je dois mon incohérence de ce matin. Je ne sentais plus que mon front, je n'entrevoyais d'état à peu près tolérable que très au-delà de mon état présent, et j'étais si bien prêt à mourir que j'aurais aimé, mes papiers à la main, me rouler une bonne fois en boule sur les dalles de ciment du corridor. Eu égard à sa faiblesse, mon corps est trop long. Il n'a pas la moindre graisse qui puisse engendrer une chaleur pleine de bienfaits ou entretenir un feu intérieur. Pas de graisse dont l'esprit puisse nourrir une bonne fois au-delà de ses besoins quotidiens sans porter préjudice à l'ensemble. Comment ce faible cœur qui m'a fait souffrir plus d'une fois ces derniers temps pourrait-il pousser le sang sur toute la longueur de ses jambes? Or, on recommence à avoir besoin de lui en haut. On l'attend tandis qu'il s'éparpille en bas. Tout se trouve séparé par la faute de ce corps trop long. Que pourrait-il donc accomplir, puisque, même s'il était plus compact, il n'aurait peut-être pas assez de force pour me permettre d'atteindre ce que je veux? Un extrait du journal de Kafka, lu ici par Georges Claes. Je voudrais qu'on quitte un tout petit peu la littérature pour revenir à la personne de Kafka, et vous en parlez d'ailleurs très bien dans votre préface, son rapport au corps qui est extrêmement problématique, mais peut-être justement pour mieux revenir à la littérature en disant en quoi ce rapport au corps peut se retrouver dans les livres, dans l'écriture ou dans les histoires de Kafka. D'abord sur l'idée de son corps comme étant un corps extrêmement décevant. Il est sans cesse déçu par son corps. Oui, il est déçu par son corps, mais il parle de son corps évidemment dans la comparaison avec le corps d'autrui, et en particulier avec le corps du grand-père et le corps du père, qui sont des corps beaucoup plus imposants. Très robustes. Voilà, très grands, très larges, très massifs, avec une légende familiale de leurs exploits physiques. D'ailleurs, Kafka s'est un peu vengé le jour où il a constaté que son père ne nageait pas très bien. Disons qu'il avait comme ça des petites revanches. Bon, Kafka a eu, c'est notoire, ça a fait couler beaucoup d'encre, un rapport assez névrotique à son corps. Il était lui-même quelqu'un qui mangeait peu, qui était peut-être anorexique, qui faisait du sport de façon sans doute un petit peu démesuré, disons. Il faisait alors qu'il s'estimait maigre, mais il faisait quand même des exercices qui devaient consommer encore un peu d'énergie. Et il y avait les modes du temps aussi. On les a évidemment souvent oubliés. Donc il a, comme certainement certaines personnes qui regardent certains programmes de télévision, il a lui aussi lu des brochures dans lesquelles on vantait les mérites de tel ou tel régime. Végétarien, donc, notamment. Végétarien, et puis, alors évidemment, le végétarien, ça a fait système névrotiquement avec le fait de ne pas consommer le corps d'autrui, même si c'est un autrui animal. Et puis il s'est fait mal avec l'expérience du jeûne, évidemment, qu'il a pratiqué de manière absolument non religieuse à des fins d'expérimentation sur son propre corps. Pour voir jusqu'où il pouvait aller. Pour voir jusqu'où il pouvait aller et pour voir quels allaient être les effets. Donc il s'est détraqué le tractus digestif. Et ses amis le constataient. Et ses amis qui, eux, mangeaient bien, buvaient bien, etc. Et donc, il s'est, y compris, fâché avec sa famille, parce qu'il prenait toujours ses repas en même temps qu'elle, mais il mettait une heure pour finir, etc. Oui, il fallait qu'il mâche pendant extrêmement longtemps, et son père ne supportait pas ça. Ce qui est un conseil tout à fait louable, mais il l'avait vraiment poussé à l'extrême. Et voilà. Et bon, qui dit corps dit évidemment sexualité. Et donc, il y a tout un ensemble d'horizons du regard sur Kafka qui évidemment sont très présents dans la critique, mais aussi d'une manière beaucoup plus discrète dans ses propres textes et puis des espèces de paradoxes dont celui bien connu du fait que tout en ayant été un client assidu des maisons closes avec ses camarades et après le cinéma on allait au bordel, il a eu tant de difficultés ou de réticences à franchir le pas de la sexualité consommée avec les femmes dont il envisageait de faire des épouses, enfin avec lesquelles il s'est plus ou moins fiancé durablement. Et alors littérairement, qu'est-ce que ça donne? Alors on pense au Virtuose de la fin, une de ses nouvelles, en rapport lointain peut-être avec cette difficulté à manger sans trop y penser, disons, et aussi peut-être dans un style... Vous avez parlé tout à l'heure de transparence, qui en effet n'est pas du tout un style opulent. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme correspondance? Bon, il y a une correspondance qui, d'une certaine manière, va de soi, c'est qu'il a choisi pour ses fables le corps d'autrui, et il a choisi le corps animal d'autrui. Et donc, on peut tirer sur ce fil et se dire que c'est avec l'animalité du propre corps de Kafka qu'il avait des difficultés et que donc c'est une des sources de ces difficultés. Et il a parlé évidemment abondamment du corps, et la première d'abord il le fait mourir quand il a besoin de le faire mourir, donc ce qui disparaît c'est le corps. Par exemple, dans la sentence, ce corps qui disparaît dans le fleuve ou dans la rivière plutôt en dessous, voilà. Mais évidemment, la métamorphose, c'est la transformation des formes d'un corps avec le maintien d'une conscience. Justement, c'est cette dualité qui reproduit celle de la langue et de l'objet de la fable. Donc ce corps qui devient monstrueux, puis qui se ratatine et qui devient un minuscule animalcule qu'on évacue d'un geste du balai. Et on va retrouver ce corps dans les recherches d'un chien, par exemple, où c'est la métamorphose étant... C'est une métamorphose, d'une certaine manière, de l'écrivain. Voilà, les formes sont considérables. Alors on va continuer de parler de Kafka en seconde partie de cette émission, mais avant cela je vous propose d'écouter ici quelques conseils de lecture. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Thank you. des conseils de lecture que nous donne aujourd'hui Georges Marc Habib de la librairie de l'Atelier rue du Jourdain dans le 20e arrondissement de Paris. Bonjour Georges Marc. Bonjour Mathieu. J'ai envie de vous demander, vous qui êtes une vigie, comment se porte la littérature aujourd'hui ? En termes de production, elle se porte merveilleusement bien. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, en tant que lecteur, je trouve que cette richesse qui nous est offerte aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans cette littérature contemporaine, fait écho à ce que vous racontez au propos de Kafka, c'est-à-dire la créativité, l'énergie de l'écriture est toujours là et bien vivante. Et grâce aux éditeurs qu'on a encore aujourd'hui, on peut avoir la main sur ses écrits. C'est super. Voilà, quel beau manifeste. Alors, trois conseils aujourd'hui. Le premier, bon, allez-y, je vous laisse bon, allez, j'attaque. Directement attaquer. Bah, j'avais envie de vous parler du dernier livre d'Andrei Kourkov. Andrei Kourkov, c'est un Ukrainien. On a connu il y a longtemps avec Le Pingouin, qui était un livre formidable. Le Pingouin, qui était une formidable, qui est une espèce de fable, là aussi, politique, hein, qui mettait en scène, là aussi, un animal, hein, pour essayer de dénoncer un peu ce qui se passait en Ukraine à l'époque. Là, il nous revient avec un livre assez conséquent, hein, qui fait plus de 400 pages, qui s'appelle Vilnius, Paris, Londres. Toujours édité chez Liana Levy, hein, son éditrice de tout le temps en France. La Lituanie vient de rejoindre l'Europe et on va donc être à table autour de trois jeunes couples qui vont décider d'aller tenter de leur chance justement dans cette Europe qui s'ouvre enfin à eux, qui leur permet comme ça de pouvoir rêver à d'autres choses. Ces trois couples vont décider de partir dans trois univers différents, dans trois espaces différents, un à Paris, l'autre à Londres et un autre en Italie, même si au final ce troisième n'ira pas en Italie. Restera sur place. Donc le premier, celui qui va à Londres, c'est Claudius et Ingrida. Le deuxième à Paris, c'est Andrius et Barbara. Et enfin, Vitas et Renata qui finalement vont rester chez eux à Anykščiai, en Lituanie, dans la ferme du grand-père de Renata, dans le pays de Renata, dans la région de Renata, parce qu'elle ne peut pas, elle n'arrive pas à quitter ce grand-père tant aimé. Alors, on va suivre comme ça le parcours de ces jeunes gens à Paris, à Londres, en Lituanie. On va essayer de comprendre comment ils vont essayer de trouver une place dans cette Europe qui s'ouvre à eux, mais qui finalement n'est pas si ouverte que ça, notamment quand on arrive à Paris, qu'on parle pas le français, c'est pas évident. Quand on est clown et qu'on essaye de vivre de son métier, c'est pas évident, mais malgré tout... On a besoin de parler quand on est clown. Heureusement, on n'a pas besoin de parler. Et puis, heureusement, il existe un marché aux clowns à côté de l'hôpital Necker, par exemple, qui permet aux enfants hospitalisés de pouvoir passer un moment de détente et tout ça, voilà. Donc, c'est l'aventure comme ça de ces jeunes gens dans cette Europe qui s'ouvre à eux. C'est les difficultés qu'ils vont rencontrer, c'est les rencontres éventuellement qu'ils vont faire, et c'est ce qui va aboutir ou ne pas aboutir. C'est comment l'enthousiasme des uns va permettre de vaincre le pessimisme des autres, mais des fois, la réalité les rattrape. C'est un texte vraiment superbe et qui est d'une actualité assez incroyable. Moi, j'adore Kourkov pour ça, parce qu'il est capable de nous emporter dans ses fables comme ça politiques, mais avec une très belle énergie. Vous aimez Kourkov, mais vous aimez aussi Catherine Poulain et son dernier roman, Le Cœur Blanc, dont nous a d'ailleurs déjà parlé Marianne Payot, mais c'est un livre que beaucoup de nos chroniqueurs aiment bien. Pour quelles raisons, en ce qui vous concerne, Georges Marc ? Écoutez, ce texte-là de Catherine Poulain, moi, j'ai trouvé assez incroyable. Elle nous amène dans ce monde étonnant que je ne connaissais pas, hein, des maraîchers saisonniers, hein, qui vont faire la cueillette dans cette époque. On est avant les années 2000, hein, puisqu'elle parle en France. Je pense même qu'on est autour des années 70-80. Elle va mettre en scène deux femmes superbes, dont une, Rosalinde, une rousse flamboyante, toute mince, sans forme, mais qui est comme une sorcière qui attire à elle tous les hommes qui vont vouloir comme ça la posséder. Elle rêve et est pris de liberté, donc va consommer ses corps, mais ne veut pas se laisser consommer. Et on va rencontrer Mounia, qui elle-même d'origine kabyle, française d'origine kabyle, va plus jeune que Rosaline, va aussi, elle, s'installer dans ce monde de maraîchers, ce monde de cueilleurs plutôt masculins, hein, qui viennent de toute l'Europe, même de France, enfin beaucoup du Maghreb aussi, dans ce monde rude, âpre, où le quotidien est un quotidien du renouvellement quotidien, c'est-à-dire tous les jours, on va à la tâche sans savoir si on y sera pris ou pas. Tous les jours, les saisons défilent comme ça, et d'année en année, ces cueilleurs vont continuer à faire leur chemin. C'est un texte incroyable d'une humanité et d'une écriture qui nous transporte. Voilà. Allez, un polar pour la soif avec Un homme doit mourir chez Rivage Noir. On le doit à Pascal Dessin. Alors c'est une réédition en poche d'un texte qui est paru en 2017. On est dans les Landes, et dans les Landes, vous savez, c'est un territoire assez protégé quand même, malgré tout. Les Landes, et ben évidemment, un type richissime a réussi à coup de pot de vin à se faire construire une magnifique villa comme ça au milieu de ces Landes. Il a même poussé le vice jusqu'à araser la dune en face de sa maison pour avoir vue sur la mer. Incroyable. Et à côté de ça, dans le même temps, il y a un projet d'enfouissement de déchets. On ne sait pas trop lesquels, mais enfin, on sent bien que ce sont des déchets qui sont pas tout à fait bio. Et il y a des expertises. Ouais, c'est pas du compost. Et il y a une expertise qui est faite, donc une contre-expertise emportée par l'entreprise qui veut faire ses enfouissements. Et Boris, qui travaille dans cette contre-expertise, est naturaliste. Et lui va, petit à petit, parce qu'il va se fondre un peu dans la population locale, commencer à douter de son métier de contre-expert et commencer à douter des moyens qu'il est capable de donner à cette entreprise pour aboutir son projet. C'est vraiment un texte politique et écologique très étonnant. Et si on veut en savoir plus sur ça ou sur bien d'autres ouvrages, on peut toujours aller vous voir, Georges Marc, dans le 20e arrondissement de Paris, la librairie, l'atelier du lundi au dimanche matin. À bientôt. Merci. C'est la suite de la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Kafka à l'occasion de la sortie en Pléiade d'une nouvelle traduction de ses œuvres complètes. Nous sommes pour ce faire avec celui qui est le maître d'œuvre de ces deux volumes, Jean-Pierre Lefebvre. Lire Kafka, ça ne pose pas de problème? À la lecture, aucun. Mais c'est insondable. C'est complètement vertigineux. Mais on ne peut en dire, et j'ai eu le tort d'écrire ce livre au fond, le comble de la lecture de Kafka, c'est Kafka lui-même. Le commentaire ultime finirait par devenir le texte de Kafka. Ce serait le commentaire idéal. C'est à la fois nécessaire d'écrire sur Kafka, il faut absolument écrire sur Kafka. Et on écrira sur Kafka tant qu'il y aura des livres. Personne n'en aura jamais fini. Il n'y a pas d'interprétation fausse, mais elles sont toutes partiellement justes. Elles sont toutes possibles, mais elles n'épuisent aucune des possibilités illimitées. C'est ça l'étrange. Comment est-ce que ces tout petits textes sont à ce point gigantesques ? Ce qui permet cette exégèse qui paraît sans fin, selon Georges-Arthur Goldschmidt, qu'on vient d'entendre ici en archive, c'est évidemment la profondeur de ces textes. Et cette profondeur, d'où vient-elle? Est-ce qu'elle ne vient pas précisément de la très grande culture de Kafka, du fait que lui-même étant imprégné de tant de lectures, finalement, on peut, depuis divers pensées, analyser Kafka et en tirer des choses très, très différentes? Oui, il y a effectivement une espèce de matière noire là qui retient tout, qui tient tout, et on ne sait pas exactement quoi. C'est-à-dire qu'il y a un nombre considérable de recherches qui se sont données pour mission d'exhiber, de déterrer tel ou tel événement ou lecture ou œuvre qui aurait retenu son attention et qui un jour ou l'autre serait ressorti dans son œuvre métamorphosée. Mais je pense justement que, enfin, il faut se méfier des métaphores cosmologiques, mais je pense qu'il y a l'univers est plat. C'est-à-dire, je pense que il y a la profondeur, mais il y a aussi la superficie en mouvement. Mm-hmm. Hein, c'est étalé, c'est à plat justement. Il y a tout, il n'y a pas trop à fouiller, mais il y a à tenir compte de la totalité. Il y a des petits textes, je pense au pont, par exemple, le pont, ou bien le silence des sirènes. Ou... Vous pensez qu'on les oublie un peu trop, ces textes, quand on analyse Kafka et qu'on pense tout de suite au procès ou au château, à la métamorphose, et puis qu'en fait, il faut aller justement explorer tout ce grand territoire et regarder aussi à plat et pas simplement en profondeur. Oui, c'est un peu justement la vertu de l'éditeur, donc de Max Brod, qui a bien senti qu'il fallait mettre tout ça dans la grande circulation d'objets littéraires autour de son œuvre connue et identifiée, même autour des romans. Là-dedans, il y a vraiment de tout, des choses qui commencent, qui ne se terminent pas, mais ça suffit. Ça suffit, c'est-à-dire que ce qui est donné au lecteur, c'est une espèce de miracle, parce que il aurait peut-être été plus loin, mais justement, il lui laisse le choix d'aller plus loin à sa manière, comme il le veut. Donc, c'est un univers qui, bon, ça va de pair avec la transparence de l'écriture qui est étalée. Donc, et toutes les tentatives de lecture en profondeur ou en profondeur vers le haut. Profondeur mystique. Ça veut dire psychanalyse, profondeur vers le haut, ça veut dire religion mystique, c'est ça? Oui, mais quelquefois ça s'inverse. Effectivement, il y a des tentatives, il y a des lectures assez bien connues, existentialistes, des lectures chrétiennes avec tel ou tel philosophe proche du christianisme, ou des lectures proprement juives qui sollicitent évidemment soit la culture de la halakha, c'est-à-dire de la tradition, soit la culture hassidique avec son inventivité prodigieuse, mais qui est déjà un peu sortie d'ailleurs d'une certaine manière de la religion, enfin qui mêle les deux. Et elle dit quoi justement cette interprétation par la religion juive? Eh bien, elle met en évidence l'incidence, le poids, l'efficience de toutes ces histoires, finalement, de ce qu'une religion comme recueil d'histoires peut avoir de productif à terme sur les productions d'un artiste. D'autant qu'il avait appris l'hébreu à la fin de sa vie. Il a appris l'hébreu, commencé à l'apprendre avec beaucoup d'assiduité. On a ses cahiers et vers la fin de sa vie, il était capable de lire un livre en hébreu et sans doute aussi en yiddish, ce qui est pas la même chose, enfin, sauf pour l'écriture. Et donc, il a été de plus en plus intéressé. Et bien, évidemment, ça a favorisé les analyses de son œuvre qui mettent cela à l'horizon, intéressé par la religiosité caractéristique de l'univers qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire l'univers juif de Prague. Est-ce qu'on peut faire une lecture par l'antisémitisme? Parce que quand il est au collège ou au lycée, peut-être plutôt au lycée, il y a cette affaire Ilsner, oui. Qui est l'histoire du meurtre d'une jeune fille. Ça se passe en Bohême et le procès qui s'ensuit accuse à tort et même condamne, si je m'abuse, un cordonnier juif, mais qui est innocent. Est-ce que vous pensez que ça peut se retrouver à un moment donné dans les thématiques, dans les œuvres? Oui, eh bien, bien sûr. Toute l'œuvre de Kafka est subsumée sous cette question-là. C'est-à-dire la perception floue ou au contraire articulée, argumentée, historique, etc., d'un antisémitisme récurrent de la part des uns et des autres, que ce soit les Allemands non-juifs de Prague, que ce soit le système, enfin les Allemands, ce sont des Autrichiens souvent, l'antisémitisme européen, même l'antisémitisme de américain du début du siècle. La peinture très noire des États-Unis, voilà, fait aussi. Voilà, les textes de Ford. Hein. Et puis tout ce qui revient dans la chambre d'écho pragoise de ce qui se passe à l'est, des pogroms, etc. Et cette histoire qui en Bohème même, disons, brûle et anime la tension. Et ce cordonnier juif accusé à tort a été sauvé par le futur président de la République tchèque, Masaryk, qui a obtenu qu'on ne le condamne pas à mort. Et ensuite, il a été gracié. Enfin, c'est une histoire qui a duré très très longtemps. Un peu une affaire Dreyfus en Bohème, quoi. Ah oui, sauf que c'était un pauvre petit cordonnier juif et pas un militaire gradé de l'armée. Voilà, et c'est les trois romans, mais pas seulement les trois romans, mais surtout les trois romans sont structurés par une idée force qui est celle d'affronter le rejet, le refus d'intégrer, de considérer comme égal autrui en raison de son origine, etc. Donc, et ça prend des formes très subtiles parce que dans le procès, le personnage principal est réputé fils d'une mère bigote, enfin catholique, etc. Mais en réalité, quand on examine bien les choses, on se rend compte que son statut dans son entreprise, son statut de fondé de pouvoir, est un statut un peu exceptionnel et qu'il suscite soit un besoin de protection de la part de la direction, soit des jalousies dans l'établissement, soit etc. Et donc, Kafka traite en permanence la question. Cette question-là, il en traite d'autres, bien sûr, mais cette question-là presque en priorité, mais dans des fables où l'on ne reconnaît pas, comme c'est le cas chez Max Brod, par exemple, où l'on ne reconnaît pas le sujet les réel. Gens par une identité juive qui serait comme ça quasi officielle. Quoi. Oui, il faut dire que le procès, c'est vrai que c'est accusé sans raison, un petit peu comme ce cordonnier qui a été accusé sans raison. Exactement. Un matin, il a suffi d'une calomnie. Hein, il a suffi d'une calomnie pour qu'on l'arrête. Rien que l'articulation de ces deux notions est déjà lourde de toute l'histoire. Autre exégèse que peut-être on fait moins, l'exégèse politique. Qu'est-ce qu'on peut voir de politique, d'engagement politique, de prise de position politique dans des textes qui ont l'air complètement hors du temps, les textes de Kafka? Oui, mais je pense que le pari de Kafka, c'est de faire de la politique avec des textes qui ont l'air de ne pas l'être, et donc de durer. Pour être efficient politiquement, il faut vivre longtemps. Il faut vivre longtemps aux manettes de la culture, etc. Et bon, et donc il y a tout un aspect qui a été traité objectivement. On a identifié les objets de ses sympathies politiques d'adolescent. Il a été socialiste, anticlérical. Un peu anarchiste. Anarchiste. Il a été à des réunions. Alors, on a essayé de voir si ça allait plus loin que ça, parce que qui dit anarchiste dit société secrète, etc., etc. Bon. Il est évident que la politique à Prague, puisqu'il a vécu à Prague, elle était déterminée par la situation tout à fait extraordinaire, hein, de la situation démographique, culturelle, ça surdéterminait la vie politique, et donc les divisions politiques ordinaires qu'on peut observer en Angleterre, en France, en Allemagne à la même époque sont complètement tordues, vrillées par cette histoire pragoise, hein, pas forcément identifiable. Et l'un des aspects de cette hypothèse politique chez Kafka, c'est bien sûr son rapport au sionisme, qui au début est contradictoire, c'est-à-dire que il est en contradiction avec ses amis sionistes de Prague, car il reconnaît chez eux, dans leur sionisme, trop de traits propres à la culture germanique, justement. Et ensuite, les choses évoluent, mais sur un mode plus personnel, supporté par le désir de d'émigrer. Mais je voudrais rendre un hommage ici à une personne qui est disparue récemment, ce qui était Pascal Casanova. Il a écrit un petit livre, Kafka en colère, qui justement examine la question politique et qui propose une espèce de Kafka plus bundiste que sioniste, hein, plus politique que religieux, etc. Et qui est un livre extrêmement, vraiment attachant et très éclairant le plus souvent. Pascale Casanova, qui a été productrice pendant des années ici à France Culture, qui s'occupait de littérature. Ce qu'on entend dans ce que vous venez de dire finalement, c'est que cet écrivain qui écrivait sur le rien, qui écrivait en dehors de tout temps, en fait, ne peut pas être un écrivain né ailleurs que à Prague, dans un lieu et à une époque particulière. C'est cela finalement derrière une apparence de grande généralité finalement de ces textes, Jean-Pierre Lefèvre. Oui, effectivement, et justement, disons cette espèce d'abîme pragois qu'il y a sous cette surface. Fait système aussi avec ce qui est un chemin de retour vers l'universel, c'est-à-dire justement la dimension analytique qui est chez lui omniprésente. Merci beaucoup Jean-Pierre Lefèvre, on arrive déjà à la fin de cette émission. Je rappelle donc la nouvelle traduction de la Pléiade présentée et édité aussi et traduit, allons-y, par vos soins, avec Isabelle Kalinowski, Stéphane Penel, et j'en oublie sûrement. Merci donc Bernard Lortelarich, avec qui me manquait un nom. Cette émission, elle a été rendue possible, je vais essayer d'oublier personne dans cette énumération de noms: Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et aussi Élise Leu. Demain, on continue notre série kafkaïenne avec Jean-Pierre Morel, qui nous parlera du procès et du château, le procès dont l'adaptation est justement diffusée ce soir dans les feuilletons, dans le feuilleton de France Culture. C'est à 20h30. Allez tout de suite vous retrouver les lectures de poésie que vous propose comme chaque jour Jacques Bonafé. Bonjour, tous ces jours-ci nous modulons Lahabi au nom chantant. Abdelatif Lahabi, né à Fès au Maroc et qui fonda la revue Souffle en 1966. Que nous dit le quatrième de couverture de L'Espoir à l'arraché, paru au Castor Astral? Revue Souffle qui a subverti le champ littéraire et culturel au Maghreb. C'est ce qui lui a valu un si long emprisonnement. J'aurais pu me taire. Me taire pour de bon, épargner à mes semblables un tel lamento, m'armer du silence de ceux qui ne connaissent de la mer que les vagues ennemies et le cimetière des fonds, ceux qui dans la boue glaciale se lavent le visage avec le sang des barbelés, ceux que tout accuse et condamne, le nom, la couleur, la langue, le pays, la fierté mal placée des hommes, la fécondité indécente des femmes, ceux qui nous parlent éloquemment par de simples gestes ou des instantanés, pris à leur insu, mort ou vif. Extrait du poème Hypothèse. Dans le poème Secret, Abdelatif nous accorde peut-être des révélations inédites sur ses magies d'écriture. Secret. Alors, je me rapproche du micro pendant que vous vous approchez du poste. J'ignore s'il est petit ou grand le secret que je vais dévoiler. Parfois, au moment d'écrire, je sens en moi un vide immense. Ma pensée et mes autres facultés usuelles tombent en panne. Je panique, car je ne sais plus comment se construit une phrase, se conjugue un verbe. J'ai des doutes sur l'orthographe de mots aussi simples que pain, eau, œil. Quant à la grammaire, n'en parlons pas. Elle me terrorise. À l'évidence, je redeviens analphabète. J'ajoute que ce phénomène ne date pas d'hier. Depuis tout jeune et en passant par la force de l'âge, j'ai connu à intervalles réguliers cette embolie soudaine qui rend inopérant mes attributs d'homme cultivé et me remet dans la peau, dans la conscience de l'homme primitif d'avant la création du langage. Un commentaire ? Oui, enfin... Moi, je dirais du poème que le recevoir, pour nous, auditeurs, c'est trouver l'endroit où notre inattention nous mène. Écouter sans contrôle, écouter en nous-mêmes. Bon, je sais pas, j'ai essayé. Religion, c'est un autre poème. Ma langue me démange, j'ai un autre aveu à faire et j'espère qu'on ne m'en voudra pas. Les religions m'ont toujours profondément ennuyé. Faute de les pratiquer, j'en ai fréquenté les textes. Des romans se voulant historiques, se prêtant facilement à des adaptations théâtrales. Oh, le comique est bien triste et le tragique passablement joyeux, où la poésie tient un rôle décidément ingrat, celui d'alimenter matin et soir et de la naissance à la mort le moulin à prière. On comprendra mon besoin vital d'autres lectures. Merci Jacques Bonafé pour sa lecture d'Abdelatif Lahabi.